L'histoire de Gervais par Jules Janin. L'histoire de Gervais est une charmante histoire. C'est l'histoire d'un homme d'esprit. Mais comme je l'ai lu dans un gros livre riche et rare, peu à notre portée à nous, pauvres artistes, je vais vous raconter l'histoire de Gervais à ma manière, sans façon, si je puis, ce qui est difficile terriblement. Gervais, aveugle et inconsolable, est assis tout le jour à la même place, sur un rocher couvert de mousse, sous le tilleul en fleurs ou chargé de neige. Il faut que Gervais vienne s'asseoir chaque jour à cet endroit qu'il chérit. Pluie ou vent, orage ou doux zéphyr, qu'importe à Gervais. Gervais est fidèle à ce tendre souvenir qu'il reste là dans le cœur, là dans l'âme, là sous les nerfs. Car c'est tout ce qui reste à Gervais, l'âme et le cœur. Gervais a perdu la vue. Plus de paysages pour Gervais. Plus d'aurore, plus de soleil couchant. Plus de fleuves ondulants qui circulent, plus d'étoiles dans le ciel, plus de frais visages qui vous sourient tendrement. Gervais est aveugle. Heureusement reste à Gervais ce rocher couvert de mousse, ce vieil arbre, le joyeux écho de la montagne, qui répète trois fois le moindre bruit. « Hélène, Hélène !» dit le rocher à chaque instant du jour. Gervais est l'écho du rocher. Pauvre Gervais. Heureusement, qu'à ce sens perdu, Gervais a su ajouter un sixième sens. Un sixième sens qui marche devant lui et qui lui parle et qui lui lèche ses mains et qui l'aime. Un sens à lui qui n'est pas un sens, un être entier qui voit pour lui seul, qui le guide et qui l'aime par-dessus le marché, qui l'aime comme un frère. Grâce à son chien, Gervais est moins aveugle, moins malheureux, moins seul. Gervais sent la tête de son ami qui se relève quand l'écho dit « Hélène, Hélène !» Bon animal, joli, doux et calme. Méchant pour les méchants, qui ne vit, qui ne marche, qui ne pense que pour Gervais. Quand ils sont tous deux, lui assis sur son rocher, son chien couché à ses pieds, rêveur, méditant, chacun de son côté, vous diriez d'un sommeil commun, d'un rêve qui se partage, d'un bonheur double et simple. Le villageois passe et salue, le chien de Gervais rend le salut le premier, et son maître le rend ensuite pour n'être pas rebelle à la leçon. On plaint Gervais, on flatte le chien de Gervais. On le rapporte à dîner à tous deux, et le soir, quand ils rentrent, ils ont le même feu, le même accueil, le même lit et le même sommeil. Seulement, le chien de Gervais s'éveille moins souvent que son maître. Gervais est brûlé d'une si profonde blessure dans le cœur. C'est que Gervais a joué avec l'amour des grands et des riches. Le malheur de Gervais, c'est de n'avoir pas été toujours aveugle. Quand Gervais allait au champ, jeune enfant, il trouvait une petite fille enfant comme lui. Les deux enfants allaient ensemble, l'un en rude habit de paysan, l'autre en robe de soie de jeune comtesse. Ils couraient, ils riaient, ils se brûlaient au soleil, ils étaient jeunes et fous. Ce qui les unit plus que les fleurs, les nids d'oiseaux et les rayons de miel, ce fut un danger commun. Un jour, ils troublèrent un loup qui dormait. Le loup s'éveilla. Les enfants se sauvent. Gervais fait passer Hélène la première. Gervais arrive le dernier, appelant son père. Gervais allait être dévoré quand son père sauva Hélène. Hélène, c'était à cette même place, sur ce même rocher, où vous voyez Gervais et son chien. Gervais ne songeait guère à être aimé d'un chien dans ce temps-là. Depuis l'aventure du loup, Gervais se mit à aimer Hélène sérieusement en homme. Il n'osa plus l'appeler que Mademoiselle Hélène. Il se mit à prendre tous les jours ses habits du dimanche. À peine croit-il que c'est la même petite fille. Jamais il ne lui parla ni du loup, ni du coup de hache de son père. Hélène, cependant, vive et folâtre, était toujours avec Gervais, toujours à lui faire je ne sais quelle joyeuse et adorable malice. « Va ici, va là, grimpe à cet arbre, monte à cheval, nage, grimpe, saute, cours, marche à quatre pattes, Gervais. » Gervais obéissait à Hélène comme un esclave n'obéit pas. Cela dura jusqu'à ce qu'Hélène devint grande dame. Elle avait 16 ans. Un jour, elle donne rendez-vous à Gervais, rendez-vous au rocher couvert de mousse. Gervais fut le premier au rendez-vous. Il était là, debout, l'œil dressé, la poitrine haletante, la bouche ouverte. Ô douleur ! Ô pauvre Gervais ! Dans cet angle étroit et retiré de la route, il vit passer l'ingrate Hélène, souriante et jolie. La voiture était découverte, elle allait au pas. Hélène était penchée sur un jeune colonel qui lui pressait la main. Gervais tomba raide mort. Il était tué sur la mousse du rocher. Il a tant pleuré depuis. Sa vieille mère s'étant fatiguée à le consoler. Il étant abusé des caresses tremblantes de cette pauvre femme qui lui disait « Gervais, mon fils Gervais, pauvre enfant de mon amour. Que vous dirais-je ? Il a tant pleuré qu'il est devenu aveugle. Depuis qu'il est aveugle, il est mieux. Sa mère le laisse libre de pleurer. Elle n'a plus rien à craindre pour ses yeux. » Ingrate Hélène ! Non seulement elle oublia de dire adieu à Gervais, mais elle oublia d'emmener avec elle le chien que Gervais lui avait donné. Le chien revint et, trouvant Gervais pleurant, il ne le quitta plus. Ils pleurèrent ensemble leur maîtresse absente. Ils reconnurent ensemble les lieux qu'ils avaient parcourus avec elle. Elle, cependant, riche et belle, aimée, coquette, femme tout à fait, se livrait à la joie, à l'amour, au parfum, à l'éclat des soirées parisiennes, sans songer à Gervais ni à son chien. Charles Nodier la vit un jour au milieu d'un salon resplendissant. Elle dansait. Folâtre et vive, elle était plongée dans cette ivresse nerveuse, si chère aux femmes qui n'aiment pas. Vous connaissez Nodier. C'est un homme d'énergie et de passion, qui déteste un mauvais cœur partout où il se trouve. Nodier est si bon, si amoureux, si triste, si fou, si savant, si satiriquement bonhomme. Il vit Hélène qui dansait. Et comme il avait vu pleurer Gervais et son chien, lorsqu'il s'approchait d'Hélène et sans songer qu'il troublait une fête, peut-être même parce qu'il troublait une fête, il cria tout bas à l'oreille d'Hélène. « Qu'as-tu fait de Gervais, Hélène ?» Hélène tomba évanouie sous le lustre flamboyant. Depuis ce temps, Hélène est bien revenue de sa première frayeur. Elle s'est relevée, elle chante, elle danse, elle vit, elle aime, elle est heureuse. Elle ne s'évanouit plus pour si peu de choses. Gervais est encore sur son rocher, s'il n'est pas mort. Il faut entendre raconter cette histoire que je gâte par mon ami Charles Nodier. C'était l'histoire de Gervais par Jules Janin.